Chapitre 7e. Le docteur Fergusson s'était préoccupé depuis longtemps des détails de son expédition. On comprend que le ballon, ce merveilleux véhicule destiné à le transporter par air, fut l'objet de sa constante sollicitude. Tout d'abord, et pour ne pas donner de trop grandes dimensions à l'aérostat, il résolut de le gonfler avec du gaz hydrogène, qui est 14 fois et demi plus léger que l'air. La production de ce gaz est facile, et c'est celui qui a donné les meilleurs résultats dans les expériences aérostatiques. Le docteur, d'après des calculs très exacts, trouva que pour les objets indispensables à son voyage et pour son appareil, il devait emporter un poids de 4000 livres. Il fallut donc rechercher quelle serait la force ascensionnelle capable d'enlever ce poids, et par conséquent, quelle en serait la capacité. Un poids de 4000 livres est représenté par un déplacement d'air de 44 847 pieds cubes, ce qui revient à dire que 44 847 pieds cubes d'air pèsent 4000 livres environ. En donnant au ballon cette capacité de 44 847 pieds cubes et en le remplissant, au lieu d'air, de gaz hydrogène, qui, 14 fois et demi plus léger, ne pèse que 276 livres, il reste une rupture d'équilibre, soit une différence de 3784 livres. C'est cette différence entre le poids du gaz contenu dans le ballon et le poids de l'air environnant qui constitue la force ascensionnelle de l'aérostat. Toutefois, si l'on introduisait dans le ballon les 44 840 pieds cubes de gaz dont nous parlons, il serait entièrement rempli. Or, cela ne doit pas être, car à mesure que le ballon monte dans les couches moins denses de l'air, le gaz qu'il renferme tend à se dilater et ne tarderait pas à crever l'enveloppe. On ne remplit donc généralement les ballons qu'aux 2/3. Mais le docteur, par suite de certains projets connus de lui seul, résolut de ne remplir son aérostat qu'à moitié. Et puisqu'il lui fallait emporter 44 847 pieds cubes d'hydrogène, de donner à son ballon une capacité à peu près double. Il le disposa suivant cette forme allongée que l'on sait être préférable. Le diamètre horizontal fut de 50 pieds et le diamètre vertical de 75. Il obtint ainsi un sphéroïde dont la capacité s'élevait en chiffres ronds à 90 000 pieds cubes. Si le docteur Fergusson avait pu employer deux ballons, ses chances de réussite se seraient accrues. En effet, au cas où l'un vient à se rompre dans l'air, on peut en jetant du lest se soutenir au moyen de l'autre. Mais la manœuvre de deux aérostats devient fort difficile lorsqu'il s'agit de leur conserver une force d'ascension égale. Après avoir longuement réfléchi, Fergusson, par une disposition ingénieuse, réunit les avantages de deux ballons sans en avoir les inconvénients. Il en construisit deux d'inégale grandeur et les renferma l'un dans l'autre. Son ballon extérieur, auquel il conserva les dimensions que nous avons données plus haut, en contint un plus petit, de même forme, qui n'eut que 45 pieds de diamètre horizontal et 68 pieds de diamètre vertical. La capacité de ce ballon intérieur n'était donc que de 67 000 pieds cubes. Il devait nager dans le fluide qui l'entourait. Une soupape s'ouvrait d'un ballon à l'autre et permettait au besoin de les faire communiquer entre eux. Cette disposition présentait cet avantage que s'il fallait donner issue au gaz pour descendre, on laisserait échapper d'abord celui du grand ballon. Dût-on même le vider entièrement, le petit resterait intact. On pouvait alors se débarrasser de l'enveloppe extérieure comme d'un poids incommode et le second aérostat, demeuré seul, n'offrait pas au vent la prise que donnent les ballons à demi dégonflés. De plus, dans le cas d'un accident, d'une déchirure arrivée au ballon extérieur, l'autre avait l'avantage d'être préservé. Les deux aérostats furent construits avec un taffetas croisé de lions enduits de gutta-percha. Cette substance gomorésineuse jouit d'une imperméabilité absolue. Elle est entièrement inattaquable aux acides et aux gaz. Le taffetas fut juxtaposé en double au pôle supérieur du globe, où se fait presque tout l'effort. Cette enveloppe pouvait retenir le fluide pendant un temps illimité. Elle pesait 1/2 livre par 9 pieds carrés. Or, la surface du ballon extérieur étant d'environ 11 600 pieds carrés, son enveloppe pesa 650 livres. L'enveloppe du second ayant 9200 pieds carrés de surface ne pesait que 510 livres, soit donc en tout 1160 livres. Le filet destiné à supporter la nacelle fut fait en cordes de chanvre d'une très grande solidité. Les deux soupapes devinrent l'objet de soins minutieux comme l'eût été le gouvernail d'un navire. La nacelle, de forme circulaire et d'un diamètre de 15 pieds, était construite en osier, renforcée par une légère armure de fer et revêtue à la partie inférieure de ressorts élastiques destinés à amortir les chocs. Son poids et celui du filet ne dépassaient pas 280 livres. Le docteur fit construire, en outre, 4 caisses de tôle de 2 lignes d'épaisseur. Elles étaient réunies entre elles par des tuyaux munis de robinets. Il y joignit un serpentin de 2 pouces de diamètre environ, qui se terminait par 2 branches droites d'inégale longueur, mais dont la plus grande mesurait 25 pieds de haut et la plus courte 15 pieds seulement. Les caisses de tôle s'emboîtaient dans la nacelle de façon à occuper le moins d'espace possible. Le serpentin, qui ne devait s'ajuster que plus tard, fut emballé séparément, ainsi qu'une très forte pile électrique du benzène. Cet appareil avait été si ingénieusement combiné qu'il ne pesait pas plus de 700 livres, en y comprenant même 25 gallons d'eau contenus dans une caisse spéciale. Les instruments destinés au voyage consistèrent en 2 baromètres, 2 thermomètres, 2 boussoles, un sextant, 2 chronomètres, un horizon artificiel et un altazimut pour relever les objets lointains et inaccessibles. L'observatoire de Greenwich s'était mis à la disposition du docteur. Celui-ci d'ailleurs ne se proposait pas de faire des expériences de physique. Il voulait seulement reconnaître sa direction et déterminer la position des principales rivières, montagnes et villes. Il se munit de 3 ancres en fer bien éprouvé, ainsi que d'une échelle de soie légère et résistante, longue d'une 50aine de pieds. Il calcula également le poids exact de ses vivres. Ils consistèrent en thé, en café, en biscuits, en viande salée et en pemmican, préparation qui, sous un mince volume, renferme beaucoup d'éléments nutritifs. Indépendamment d'une suffisante réserve d'eau-de-vie, il disposa de 2 caisses à eau qui contenaient chacune 22 gallons. La consommation de ces divers aliments devait peu à peu diminuer le poids enlevé par l'aérostat, car il faut savoir que l'équilibre d'un ballon dans l'atmosphère est d'une extrême sensibilité. La perte d'un poids presque insignifiant suffit pour produire un déplacement très appréciable. Le docteur n'oublia ni une tente qui devait recouvrir une partie de la nacelle, ni les couvertures qui composaient toute la literie de voyage, ni les fusils du chasseur, ni ses provisions de poudre et de balles. Voici le résumé de ces différents calculs. Ferguson, 135 livres. Kennedy, 153. Joey, 120. Poids du premier ballon, 650. Poids du second ballon, 510. Nacelle et filet, 280. Encre, instruments, fusils, couvertures, tentes, ustensiles divers, 190. Viande, pemmican, biscuits, thé, café, eau-de-vie, 386. Eau, 40. Appareil, 700. Poids de l'hydrogène, 276. Lest, 200. Total, 4000 livres. Tel était le décompte des 4000 livres que le docteur Ferguson se proposait d'enlever. Il n'emportait que 200 livres de lest, pour les cas imprévus seulement, disait-il, car il comptait bien n'en pas user grâce à son appareil.